Et vous avez vécu 20 ans. Et vous avez vécu 20 ans. Et vous avez vécu 20 ans. Je n'ai pas vécu exactement 20 ans. Et vous avez vécu 20 ans. Et vous avez vécu 20 ans. Il dit de la même voix profonde. Pas 20 ans mais déjà 20 printemps et l'intensillon. Encore pour le futur de m'exprimer par la voix du sillon. Pas 20 ans pourtant conscient, conscient plein vol les ailes des jeunes oiseaux qui espèrent atteindre un halo de lumière où la nuit n'est plus à craindre. La sortie du tunnel, l'autre côté de la dune, l'Eldorado où le ciel pourrait illuminer leurs prunelles. La dune est souvent la réponse, certaines dans la soie, la vie leur annonce un destin tout tracé. D'autres voient le jour au milieu des ronces, les miennes ne m'atteignaient pas. Mais quand je me suis développé en transperce, c'est la couche protectrice dans laquelle j'étais enveloppé. Un face à face avec la réalité, un duel sans facilité. La face cachée grandissante de la vie, un jour éclaté enfant. Je croyais que la mort n'existait pas, car je ne voyais pas, je voyais même sous l'eau. Je pensais que les êtres humains ne se noyaient pas. J'ai croqué dans un apparence, goûté la vie et ses fausses apparences. Aujourd'hui comme hier, je gratte le fond de mes poches pour vaincre cette carence. 20 ans en arrière, une femme mère mettra bientôt un troisième enfant. Un père de frère, cette dernière fois, je ronce celui que l'on entend sur ces ondes. C'est dans ce contexte que tous mes textes se fondent. Pas 20 ans. Et pourtant dans mes yeux encore d'enfant, l'espoir de croire d'une maître élevée, craint que ne me laisse choir. Un goût amer pourtant, au fond de la gorge pensant à ceux qui n'ont jamais eu 20 ans, espérant ne pas faire de ma vie un 20 ans. Pas 20 ans, et pourtant dans mes yeux encore d'enfant, l'espoir de croire d'une maître élevée, craint que ne me laisse choir. Un goût amer pourtant, au fond de la gorge pensant à ceux qui n'ont jamais eu 20 ans. 20 ans, le sentiment d'avoir franchi de nouveau un palier, me retournant, regardant s'éloigner le début de l'escalier. Conscient pourtant qu'une dose du temps qui m'était impartie n'a plus que le d'être dans des pensées. C'est écrit, on n'efface plus rien. Plus rien ne peut changer, même si je la déchire. Cette page continue d'exister, inutile encore d'y réfléchir. C'est pas vraiment pourtant sur une feuille ce que j'ai fait, de mauvais, de bien. Des satisfactions, des regrets, je ne sais plus combien. Pas mal loin de là, toujours rempli mon ventre. Pété ma belle école, je suis de ce dont les statistiques en juillet se vantent à la fac. Galère, 2 ans de perdu, je ferme le compte. Erreur de jeunesse, non t'as déconné et la phase prononcée par ceux qui me connaissent, désolé les gars. Mais ce qui m'aurait vraiment plu, c'est une école privée. Si j'avais 2/5 années, croyez-moi, bien je m'en serais pas privé. Avec le monde de l'emploi court stage, école vie active, durée de courtage. Faut pas que je lâche les études, aller au casse-pipe, me transformer en pétasse pipe. Heureusement je ne me laisse pas vaincre et fais tout pour que le soleil rapplique. J'ai passé le jour dont on doit se souvenir toute sa vie à la 20ème marche de l'escalier. Je sais que je n'ai pas encore tout gravi. 20 ans, seulement un jour de plus par rapport à hier. Mais en fait un badge géant, le passage d'une barrière. Sur un gâteau 20 bougies je pense carpe diem. La peur peut-être de ne jamais souffler la 21ème. 20 ans, seulement un jour de plus par rapport à hier. Mais en fait un badge géant, le passage d'une barrière. Sur un gâteau 20 bougies je pense carpe diem. La peur peut-être, la peur peut-être. 20 ans déjà, ce n'est jamais que ça. Mais maintenant face à l'escalier, j'ai les yeux en direction de l'horizon. J'aimerais pallier aux problèmes d'aujourd'hui, les mêmes qu'hier. Comment pailler? Le genre à ma guiche me lui met une crampe, me laisse sur la paillée. Que me restera-t-il une fois retiqué mille fois? Mon bien, ce vulgaire caillou. Canailler la vue dans le temps, l'on me tirait la joue, me traitant de canaillou. Il y a mon ennemi, le lieu du bagarre aujourd'hui, le fils que m'offusque, me fixe. Il voudrait qu'on me confisque jusqu'à mes fusques. Lâche mes baskets, es-tu conscient? C'est dur à quête, c'est mon sang. On relève, cherchant tous les jours de nouvelles excuses, mais c'est sur bon sang. Faut que je me batte, mais jamais en retraite. Si j'arrive à 60 piges, je sais que j'aurai plus que 4 sous de ma retraite. Mes souvenirs, ma feuille se part en deux. Toutes ces années consacrées au peur, à tous ces rêves effleurés. Juste mes yeux pour pleurer. Ma famille, mes potes, j'ai 20 ans déjà. Des milliers de mains autour de moi, certaines. Me poussant le ravin d'autres me retiennent. C'est celle-ci que j'entraînerai. Si j'arrive un peu plus haut au sommet de cette pyramide, je promets que je ferai tout ce que je veux. Pour pas qu'un de nous meure sous mes yeux, je n'oublierai pas ceux qui n'ont pas retourné leur veste. Je n'oublierai pas non plus les autres, car certaines images restent gravées. Hier comme aujourd'hui, demain à Méja. Le même le temps passe, pas 20 ans déjà. Ou 20 ans seulement, je ne sais plus quoi penser. Les beaux jours et les jours perdent s'alternent. Mes plaisirs non pensés s'ouvrent quand face aux réalités s'ouvre le débat. Pas 20 ans, ou 20 ans déjà. 20 ans déjà, ou 20 ans seulement, je ne sais plus quoi penser. Les beaux jours et les jours perdent s'alternent. Mes plaisirs non pensés s'ouvrent quand face aux réalités s'ouvre le débat. Pas 20 ans, ou 20 ans déjà. Nesia, à tes clics pour infamie. Santa Cruz, Molina, Fernandez, Cortez. À tes clics, ma famille, mes potes, j'ai 20 ans déjà.